بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخرج الإمام ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج بعراضهم الدجال. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي قوله حتى يخرج في عراضهم الدجال. بوب على هذا الحديث الإمام ابن ماجه رحمه الله بقوله: باب في ذكر الخوارج. والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة. دونك في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم il a mis en garde contre هذه الفرقة، فرقة الخوارج. il a mis en garde contre ce groupe, le groupe des خوارج. كلما خرج قرن قطع، أي هذا سموت أن ce groupe ils apparaissent souvent dans cette communauté. Et à chaque fois que ce groupe il est والله الحمد disparaît, un autre groupe il apparaît. قال ابن عمر: أكثر من 20 مرة، plus de 20 fois. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يخرج في عراضهم الدجال، jusqu'à que le Messie الدجال il va sortir au sein de ce groupe. Donc, Walillahi Alhamd, dans notre dars précédent, dans cette série de cours sur les sectes en islam, on avait étudié ensemble et résumé les égarements de l'organisation Al-Qaïda. Et Al-Qaïda, c'est un groupe parmi Al-Khawarij, parmi Al-Takfiriyoun, ceux qui rendent mécréants les musulmans, les croyants. Et aujourd'hui, on continue cette série avec un nouveau groupe, تنظيم داعش، le groupe de داعش. Et هؤلاء كما لا يخفى، ce groupe il est apparu il y a quelques années et ils font partie des خوارج sans aucun doute، comme on va tenter de démontrer ensemble في هذه الكلمة. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم il a informé أن هؤلاء ils vont sortir, ils vont cesser d'apparaître des groupes parmi eux jusqu'à la venue de المسيح الدجال. قال: وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر، أي الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه. Donc l'unanimité des savants en al-Khawarij, contrairement à ce que certains égarés prétendent, annahum c'est pas restreint au groupe qui ont combattu al-Khalifatu ar-Rashid Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه. Là, tous ceux qui ont ces caractéristiques min takfir wa khuruj ala wali al-amr wa qatl al-muslimin etc., les fondements qu'on a déjà expliqués dans le cours précédent sur Al-Qaïda et qu'on va expliquer ensemble aujourd'hui bi-idhnillahi azza wa jal, celui qui a ces caractéristiques fait partie de Ha'oula, il fait partie de Al-Khawarij. Wa fi hadha az-zaman, à notre époque, dhahara qarnun jadidun khabithun. Et à notre époque, un qarn, al-qarn on peut traduire par une corne, un groupe avec cette croyance, avec la même méthodologie que les Khawarij de l'époque, ce groupe il est apparu de nos jours. Afsadu fil ard fasadan adhiman. Ils font beaucoup de mal. Ils salissent l'image des croyants sincères. Et ils rendent service aux ennemis de l'islam à cause de leur taïch, à cause de leur faiblesse d'esprit, à cause de leur précipitation, à cause de leur mauvaise compréhension des textes, à cause de leur suivi des passions. Et ce groupe, il est معروف باسم داعش. ونحاول donc في هذه الكلمة المختصرة بيان حال هذا التنظيم. Dans cette kalima, on va essayer de résumer les fondements et l'historique de ce groupe et نسأل الله عز وجل الثبات. أولا نشأتهم وأبرز الشخصيات. Premièrement, comme d'habitude dans cette série, on a l'habitude de citer un bref historique et les représentants, les personnalités, les guides de cette secte. قال العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في مقال الخلافة الداعشية الشيخ عبد المحسن وفقه الله تعالى لكل خير. Il a écrit plusieurs maqal sur ce groupe. فقال فقد ظهر في الآونة الأخيرة فرقة في العراق والشام أطلقت على نفسها الدولة الإسلامية ثم الخلافة الإسلامية. Donc ce groupe, كما قال الشيخ, il est apparu في العراق والشام, en Irak et في الشام, أي plus précisément en Syrie. أطلقت على نفسها الدولة الإسلامية ثم الخلافة الإسلامية. Et ils se font appeler الدولة الإسلامية. Et الخلافة الإسلامية. Et le califat islamique, الدولة الإسلامية, et la nation de l'islam. فقد اشتهرت بكلمة داعش وهي الحروف الأولى من اسمها المزعوم. Et ce groupe, il est connu الآن عند العام والخاص, chez la plupart des gens, par ce nom, داعش. وقال الشيخ هي الحروف الأولى من اسمها المزعوم. نعم, c'est une abréviation de دولة الإسلام في العراق والشام. دولة, c'est la première lettre, الدال, الإسلام, الألف, العراق والشام, العين والشين. Donc ça donne bien داعش. Donc c'est l'abréviation de دولة الإسلام في العراق والشام. أي la nation de l'Islam في العراق, en Irak et en Syrie. قال وقد اغتر بهذه الفرقة بعض الشباب. Et certains jeunes, ils ont été trompés. Certains jeunes, à cause de leur ignorance et à cause de cette ambiance qu'on vit à cette époque et ces attaques contre les musulmans, certains jeunes, à cause de leur ignorance, ils ont pensé que la solution, c'était de suivre ce groupe. Que ce groupe, il avait la solution pour secourir l'islam ou les musulmans. Ils ont pensé que c'était cela la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que c'est essentiel pour nous-mêmes, pour nos jeunes, pour chaque musulman, d'étudier ce genre de groupe. Attends, on bascule pas dans un extrême. L'extrême de Daesh, de l'Khawarij, en rendant mécréants les croyants, en se rebellant contre les gouverneurs, en faisant beaucoup de mal, être la cause, iyadun billah, de l'effusion de sang, de la division de la communauté, et kadalik, ne pas basculer dans l'autre extrême. Penser que ce groupe, il représente vraiment l'islam, thumma, comme certains, avoir une mauvaise pensée de l'islam, et basculer du côté des ennemis de l'islam, ceux qui détestent l'islam. Et là, le juste milieu. On est contre Daesh, walillahi alhamd. On est contre ces extrémistes, haqqan. Et kadalik, on est contre les autres ennemis de l'islam. Sans faire de concessions sur notre dîn. En s'accrochant sur la voie droite, bi'ilm, avec science, avec objectivité, avec justice. Et la vérité, on l'accepte et on rejette l'égarement. Que ce soit de Daesh ou autre. Amma, on vit à une époque où certains, ils combattent les idées de Daesh, mais ils ne se basent pas sur les sources de notre religion. Je parle bien sûr ici des musulmans, des croyants, ou ceux qui se prétendent croyants. Enfin, pour combattre cette idéologie, la seule solution, c'est de revenir à notre dîn. Tu combattras cette idéologie, Daesh, Al-Khawarij, que ce soit Al-Qaïda ou autre, il la propage au nom de l'islam, on pourra la combattre avec l'islam, pas avec autre chose. Belle, une des causes que certains jeunes, ils sont tombés dans ces ambiguïtés, ils n'ont pas pu apprendre, ou ils n'ont pas vu l'islam authentique. Ils ont pensé que ce que certains hypocrites propagent, ou certains égarés propagent, c'était l'islam, donc ils ont cru que l'autre extrême, et Daesh, c'était la vérité. Et ça, c'est une erreur fondamentale dans ce sujet. L'extrémisme, que ce soit l'extrémisme de Ha'oula Takfiriyoun, ceux qui prétendent faire le djihad, ou autre, tu le combats avec la vérité, pas avec d'autres passions. Falihada, étudier un bref historique de ce groupe, connaître leur fondement, connaître d'où ils viennent, c'est quoi qui pousse ces jeunes à rejoindre les rangs de Ha'oula, c'est essentiel pour comprendre ce sujet et pour combattre Ha'oula At-Takfiriyoun haqqan, avec vérité et avec justice. Fi tarikh 2014, plus précisément le 29 juin, a'lanat الدولة الإسلامية في العراق والشام عن الخلافة الإسلامية ومبايعة أبي بكر البغدادي خليفة للمسلمين. Donc en juin 2014, ils ont annoncé que l'État, comme il appelle l'État islamique, il a été mis en place en Irak et au Sham, en Syrie, et le chef de cet État, ils ont prêté allégeance à cet homme, Abu Bakr al-Baghdadi. Et pour eux, cet homme s'est devenu al-Khalif al-Jami' al-Muslimin. C'est devenu le calife de tous les musulmans et le chef des croyants. Ça, c'était en 2014. Si on remonte un peu dans le temps pour comprendre comment cet état de al-Khawarij il a été instauré, en 2003, أسس الزرقاوي تنظيم التوحيد والجهاد في بلاد العراق. وهذا on l'a cité dans notre kalima précédente sur Al-Qaïda. Et on a fait une précision pour comprendre هذا الخليفة المزعوم, ce soi-disant état islamique, pour comprendre ses fondements et son apparition, tu dois comprendre tout ce qu'on a cité dans le cours précédent sur Al-Qaïda. Liana, c'est lié. Abu Mus'ab al-Zarqawi, en 2003, il a fondé cette organisation al-Tawhid wal-Jihad en Irak. Et à cette époque, Bay'a Oussama bin Laden. Et il a prêté allégeance à Oussama bin Laden. Donc on est en Irak là. En 2006, qutila Abu Mus'ab al-Zarqawi fil Irak. En 2006, al-Zarqawi il a été tué. Fi hadha al-'am, cette même année en 2006, اشتهر جماعة الزرقاوي أي le groupe de Zarqawi qu'il avait instauré en Irak en 2003 et qu'il avait appelé التوحيد والجهاد. Cette année en 2006, أي après sa mort, ce groupe il a été connu sous une autre appellation, دولة العراق الإسلامية, أي l'état islamique en Irak. وأميرها, et leur chef à cette époque c'était Abu Omar al-Baghdadi. Ne pas confondre avec Abu Bakr al-Baghdadi. Hada, c'est un autre. C'était lui le chef de Ha'oula en Irak. Abu Omar al-Baghdadi. Ce dernier, Abu Omar, il a été assassiné, tué en 2010. Donc, 4 ans après. Wa ba'da dhalik, quelques temps après, a'lanu Abu Bakr al-Baghdadi, wa huwa Ibrahim ibn Awad, amiran li dawlatihim fil Irak. En 2010, ou après 2010, ils ont propagé أن leur nouveau chef c'est Abu Bakr al-Baghdadi. فهذه الأحداث الآن حصلت كلها في العراق. Tous ces événements qu'on vient de citer, de 2003 à 2010, c'était en Irak. Et c'était directement lié à Al-Qaïda. بل, c'était le groupe Al-Qaïda en Irak. Le groupe de Zarqawi, thumma, le chef s'est devenu Abu Omar, thumma, Abu Bakr al-Baghdadi. À la fin de l'année 2010, bada'at al-mudaharat fi ba'd al-buldan al-arabiyya. À la fin des années 2010, les révolutions dans les pays arabes, elles ont commencé. Ça a commencé par la Tunisie, thumma, d'autres pays. Wa dhaharat al-fawda wa ash-sharr al-'azim min tafarruq wa tamazzuq wa dhulm. Cette période, les ennemis de l'islam, ils en ont profité pour diffuser, pour propager des gens qui allaient diviser la communauté. Que ce soit en Syrie, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, que ce soit au Yémen, que ce soit en Libye, etc. Et il s'est passé ce qu'il s'est passé. فتكونت جبهة النصرة في سوريا. Un autre groupe est apparu en Syrie. Et pendant les révolutions, ce qu'ils ont appelé Zulman wa Zuran wa Udwanan, le printemps arabe, un autre groupe est apparu, c'est Jabhat al-Nusra, le front d'al-Nusra. Et Haoula, c'est le Qaïda, le groupe de, anciennement, de Osama bin Laden, thumma de Ayman al-Zawahiri, comme on l'a expliqué dans la secte al-Qaïda, dans le cours sur la secte al-Qaïda. Thumma dakhala ashab dawlat al-Iraq Souria. Vu que la Syrie, ce pays, il est devenu très très instable à cause de la révolution, à cause des manifestations, thumma la guerre civile qui a suivi, fa at-takfiriyun qui était en Irak, jama'at Abu Bakr al-Baghdadi, ils sont rentrés en Syrie. Wa hasala baynahum wa bayna jabhat an-Nusra khilaf wa niza'. Lakin il y a eu un problème entre dawlat al-Iraq, Dawlat al-Islam fil Irak, le prétendu État islamique de l'Irak, et Al-Qaïda, Jabhat al-Nusra en Syrie. Des problèmes, ils n'étaient pas d'accord sur certaines choses, hatta, ils se sont entretués. Qala al-Adnani, Abu Umar, wa, c'est al-Mutahadith bi ism Da'ish, c'est le porte-parole de Da'ish, c'est souvent lui qui prend la parole qui parle au nom de ce groupe. Kama fi صحيفة الحياة اللبنانية أي الارتيكل اللي apparu dans ce journal. إن تنظيم القاعدة لم يعد قاعدة للجهاد الحقيقي وإن قيادته أصبحت فأسا لتدمير مشروع الدولة الإسلامية والخلافة القادمة. هذا إلى clairement هنا annoncé leur désaccord avec القاعدة. Il a accusé directement les chefs de القاعدة, Ayman al-Zawahiri et autres, ils se sont égarés du droit chemin, et du chemin du prétendu djihad. قال وإن قيادتها انحرفت عن الطريق الصحيح. Ils se sont égarés du droit chemin. هكذا il a dit هذا العدناني. وأن الدولة الإسلامية باقية على منهج الإمام الشيخ أسامة بن لادن. ثم il a affirmé que Daesh, ils étaient encore et s'accrochaient toujours à la voix de leur chir, de leur guide Osama bin Laden. Hada, ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'ils ont les mêmes bases, ils ont les mêmes fondements, ils ont les mêmes objectifs. Lakin al-khilaf alladhi hasala, la divergence qu'il y a eu entre eux, kathiran, c'est par rapport à ad-dunya, ou sur certains avis, sur certaines choses. Kadhalik un tel il veut être le chef et rubama l'autre groupe il refuse. Wa illa fa c'est tous des innovateurs, c'est tous des égarés, font tous partie de ce groupe, le groupe de Al-Khawarij Al-Tullal. Wa fi 'am 2014, en 2014, tamakkanu fi kathirin min ardi Souria. En 2014, tamakkanu fi kathir min aradi Souria. Donc en 2014, haoula qui sont venus de l'Irak, le groupe de Abu Bakr al-Baghdadi, quand ils sont rentrés en Syrie, au bout de quelques années, de 2010 à 2014, en 4 ans, ils ont réussi à conquérir beaucoup de territoires, du territoire syrien. وَأَعْلَنُوا عَنْ دَوْلَتِهِمَ الْعِرَقِيَ الشَّامِيَ. Donc en 2014, ils ont prétendu avoir instauré le califat, l'état islamique de l'Irak al-Sham, ce qu'on appelle couramment Daesh. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخوارج ظهروا لما حصل ما حصل من الفتن في العراق والشام والله المستعان. Vous avez remarqué que هؤلاء ils sont apparus en Irak après la deuxième guerre du Golfe, quand l'Irak il a été envahi par les ennemis de l'islam et la guerre qui s'en est suivie إلى آخره. فالخوارج تمكنوا في العراق, ils sont apparus en Irak. ثم l'autre groupe, il est apparu en Syrie après la révolution. ثم ils ont prétendu avoir instauré l'état islamique après tous ces faits. النبي صلى الله عليه وسلم قال, le prophète صلى الله عليه وسلم il a informé عن الخوارج كما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين, يخرجون على حين فرقة, أي dans une رواية فرقة من الناس, أي ils apparaîtront quand les gens ils seront divisés. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça que ce printemps arabe, qui est une énorme fitna et qui a causé beaucoup de dégâts dans les pays musulmans, ça a été en faveur des ennemis de l'islam. Les musulmans, ils se sont entretués entre eux et ils se sont retrouvés dans une situation instable avec la division, avec la peur, avec la pauvreté, etc. Et كذلك les ennemis de l'islam تمكنوا. Que ce soit Al-Kuffar, Al-Yahoud ou Al-Nasara, ou autre min Ahl al-Bida'i ou Al-Shar comme Al-Khawarij. Donc ça nous montre que les manifestations, ce n'est pas la solution. Ben, les manifestations, ça fait partie de la méthodologie de Ha'oula. Et min al-Ajib aujourd'hui, ils appellent à ces manifestations et prétendent en même temps combattre les extrémistes. Les manifestations, c'est une source que ces groupes, ils apparaissent. Amma al-Sunni, al-Salafi, il est contre le terrorisme, il est contre l'extrémisme, et il est contre ceux qui poussent à ce danger. Hey, les manifestations et la rébellion contre les gouverneurs musulmans. Falihada, tu trouves, walillahi alhamd, hada al-bab, tu trouves sur ce sujet ceux qui se contredisent le moins et qui sont sur la vérité, c'est al-Sunna, c'est ceux qui suivent la Sunna. C'est eux qui sont vraiment contre le terrorisme. C'est eux qui ont montré et qui ont mis en garde contre le véritable terrorisme. Mais les autres, Bardanès maintenant, ils ont financé, ils ont appuyé ces rébellions, ces révolutions contre les gouvernements musulmans au nom de la laïcité, au nom de la démocratie. Et à la fin, ils ont laissé ces peuples s'entretuer. Bel Bardanès, ils ont aidé financièrement et ils ont armé ces groupes extrémistes. Daesh ou autres. Thumma, quand ils n'en ont plus besoin, ils annoncent que c'est des extrémistes, que c'est des égarés, qu'ils sont contre kaza kaza. Hada, ça montre qu'ils sont haoul al-masalih. Ils sont haoul leur masalih. Ils regardent que leurs avantages. Amma, celui qui suit la vérité, il combat la vérité pour une cause juste. Hey, la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Amma, al-shakhsiyat, leur guide. On a déjà cité Abu Mus'ab al-Zarqawi, qui est mort en Irak en 2006. Thumma Abu Umar al-Baghdadi en 2010. C'était leur calife. Lakin, en tant qu'État, comme ils prétendent, ils ont instauré un État. Enfin, leur chef, c'est Ibrahim ibn Awad ibn Ibrahim Ali al-Badri al-Mashhour bi Abi Bakr al-Baghdadi. Il est né en 1971 fi Madinat Samara al-Iraqiya. Naam, Samara en Irak. Wa huwa al-qa'id al-'am. Et c'est lui leur chef, c'est lui leur amir après la mort de Abu Bakr ou de Abu Umar aqsad al-Baghdadi. La deuxième personnalité qu'on peut citer, c'est Hajji Bakr. Wa huwa ash-shakhsiyya al-'askariyya al-ula. C'était le responsable côté militaire. Et il s'est fait tuer en 2014. كذلك أبو محمد العدناني المتحدث الرسمي. C'est leur porte-parole. Et c'est de lui qu'on va citer beaucoup de paroles, Inch'Allah ta'ala. Il y en a, c'est lui qui prenait souvent la parole au nom de ce groupe. كذلك on peut citer أبو أحمد العلواني قائد المجلس العسكري. كذلك هذا, il était responsable niveau militaire. Et كذلك, pour finir, on peut citer Abu Ali al-Ambari, mas'oul shar'i fi hadha at-tanzim. Et hadha, il était connu pour faire des durous, c'était un prêcheur. Kana yudarris fi masjid fi Syria. Il donnait des cours dans un masjid en Syrie, c'était une de leurs références. Tambihun, une remarque avant de continuer, et on l'a déjà faite concernant Al-Qaïda. Toutes ces personnalités, elles ont un lien commun. Et كذلك, elles ont un lien avec les chefs de Al-Qaïda. صرح يوسف القرضاوي الإخواني الضال في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط أن زعيم داعش أبو بكر البغدادي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ثم تركها لينشئ تنظيمه الخاص. يوسف القرضاوي الإخواني, il a clairement démontré, il a clairement dit, comme dans cet entretien qu'il a eu avec ce journal, An-Nazaim Da'ish, Anna le guide, le chef de Da'ish, c'est un Ikhwan. Il faisait partie de la secte des frères musulmans. Vous avez remarqué qu'ils ont tous cette même source. Tu trouves même une takfir il-an, même une kharij il-an, que ce soit le Qaïda, que ce soit de Da'ish, que ce soit leur branche en Afrique, en Asie, en Europe, ils ont tous la même source. C'était des Ikhwan. Oh, ils sont influencés par le groupe des frères musulmans. Et walillahi alhamd, ce groupe, on l'a étudié et on a résumé leurs égarements dans cette série. Walillahi alhamd. Fataraka al-intisab ilayha jahran. Non, en apparence, il a montré qu'il avait délaissé ce groupe. Walla au sul tandim Da'ish, mustafada min manhaj al-Ikhwan, al-Irhabiyin. En étudiant les fondements de Da'ish, tu t'apercevras que c'est les mêmes fondements que le Qaïda. De Osama bin Laden. Thumma, les fondements de Osama bin Laden ou de Ayman al-Zawahiri, c'est les fondements de Sayyid Qutb. Les fondements de Sayyid Qutb, c'est les fondements de Abu al-A'la al-Mawdoudi. Tout cela, c'est des Ikhwan. Et de Hassan al-Banna. Tout cela, les fondements de Hassan al-Banna, c'est les fondements de l'Khawarij. Et de l'Mu'tazila, et de l'Asha'ira, etc. Donc, connaître ces faits, c'est très très important. Fallait l'aide à celui qui est objectif, qui est sincère, qui veut la vérité et qui étudie ses faits chronologiquement avec des sources, il s'apercevra directement que le Sunna Salafiyoun, depuis l'apparition de l'Ikhwan jusqu'à aujourd'hui, walillahi alhamd, ils montrent leurs égarements. Qui c'est qui a montré les égarements de Hassan al-Banna? C'est Salafiyoun, ulama wa talabat ilm. Qui c'est qui a montré les égarements de Sayyid Qutb? C'est les Salafis. Qui c'est qui montre les égarements de Bin Laden, de Da'ish, de Al-Qaïda? C'est Salafiyoun. C'est de l'injustice pure de faire croire que As-Sunni, As-Salafi, il fait partie de Ha'oula. C'est pour ça que, avec une simple recherche sur Internet, sur les réseaux sociaux, tu trouveras que Ha'oula, que ce soit le Qaïda, que ce soit Da'ish, que ce soit à l'époque d'Oussama bin Laden, ou maintenant, ou avant l'époque de Sayyid Qutb, ils accusent tous As-Salafiyoun, les savants et ceux qui les suivent, d'être des Umala, d'être à la solde des gouverneurs, d'être des traîtres, d'être des Murji'a. Les fondements, ce n'est pas les mêmes. Donc, moi, tu trouves un jahil al-an, volontairement ou involontairement, il voit un frère ou une sœur qui s'accroche à la sunna, il les accuse injustement de faire partie de ce groupe. Qala Abu Sa'd al-Amili, ahad munadhiri Da'ish, un des porte-paroles de Da'ish, qui s'appelle Abu Sa'd al-Amili. Isma'u madha qal, qu'est-ce qu'il a dit? La yumkin. لأي منظر حركة جهادي أو أي حركة مجاهدة أن تستغني عن أفكار شهيد القرآن سيد قطب. Il a été clair هنا أن eux-mêmes et tous ceux qui prétendent sauver, combattre pour cette cause qui est leur jihad à eux, qui n'a rien à voir avec le jihad de l'islam, et chaque takfir et chaque jihadi, comme il a cité هنا, أنه il ne peut pas se passer des pensées et des ouvrages de Shahid al-Qur'an, il l'a appelé le martyr du Qur'an. Et Ta'lamoun, on a déjà étudié ensemble les égarements de Hadar al-Rajul Sayyid Qutb. Des égarements très très graves. Enfin, à la kulli hal, on a cité Hadha pour montrer que le fondement c'est le même. C'est le fondement des Ikhwan. Khassatan, cette branche al-Qutbiyya. Aïe, les pensées et les qui sont fondés sur les ouvrages de Sayyid Qutb al-Ikhwani. Amma usul Da'ish, les fondements de Da'ish, awwalan at-takfir. C'est exactement les mêmes fondements que le Qaïda, lakin on les recite avec des sources de Da'ish pour bien montrer anna haoula, ils ont appliqué ces fondements de l'Khawarij. Le premier at-takfir, aïe, le fait de rendre de faire sortir de l'islam des croyants. قال العدناني كما في تسجيل صوتي بعنوان فيقتلون ويقتلون. Toutes ces paroles de العدناني, elles ont été propagées sous forme d'audio. فقال هلموا أيها المسلمون إلى أرض الخلافة فلأن تكن راعي ضأن في دار الإسلام خير لك من أن تكون سيدا مطاعا في دار كفر. في هذه الكلمة qu'est-ce qu'il a dit هذا الخارجي؟ Il a encouragé المسلمون les croyants de rejoindre l'État islamique. ثم il a démontré que vaut mieux être un berger en terre d'islam qu'un seyyid et avoir un haut rang en terre de mécréance. هذا ما ذا فيه؟ C'est du takfir واضح. أنه la seule terre d'islam c'est l'État islamique, leur État islamique à eux. Et c'est un état de corruption et un état d'égarement. ونسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ شباب المسلمين. وإلا فهو هنا il fait cette différence. Et vaut mieux rejoindre leur État, c'est une terre d'islam, que de rester en terre de mécréance. وقال كذلك dans une autre كلمة السلمية دين من قال أن جيوش الطواغيت من حكام ديار المسلمين هي بعمومها جيوش ردة وكفر هذا ستكفير بالعموم وهنا il accuse الحكام les gouverneurs et leurs armées d'être des apostats et des mécréants alors que ces gouverneurs ولله الحمد c'est des musulmans les gouverneurs des pays musulmans sauf si quelqu'un montre le contraire avec des preuves ou illa la base wallahi alhamd c'est que c'est des croyants malgré les faiblesses malgré les erreurs malgré les égarements en tant que croyant en tant que sunni on n'a pas le droit de faire sortir de l'islam un autre bi ghayri haqq sans preuve et bien sûr avec des règles bien précises que les ulama ils ont cité et kadhalik al-juyush c'est leur armée c'est qui c'est les musulmans dans chaque pays musulman il y a une armée ces armées c'est Elles sont constituées de croyants avec leurs faiblesses, etc. قال وإن القول اليوم بكفر هذه الجيوش وردتها وخروجها من الدين بل وجوب قتالها في مقدمتها الجيش المصري والقول الذي لا يصح في دين الله خلافه. ثم il a montré que c'est une obligation de rendre mécréants tous ces États, tous ces gouverneurs et leurs armées. هذا تكفير تكفير de vous avez remarqué que ils ont fait aucune exception à part bien sûr leur soi-disant état et leur armée. Et ils ont une qaïda khatira, ha'oula. Ils ont une règle très très dangereuse. Anna man lam yukaffir al-kafir, pour eux c'est un kafir. Enfin, celui, comme walillahi alhamd, la majorité des muslimines qui ne rend pas mécréant les gouverneurs et ne rend pas mécréant leur armée, fa'indahum, celui qui ne rend pas mécréant, ça devient lui-même un mécréant. C'est pour ça qu'ils ne font aucune différence. Entre gouverneurs, entre militaires et entre un musulman de la masse. Les mains, les ennemis, ils ont cette règle dangereuse. Hein, pour eux, c'est tous des infidèles. وقال العدناني dans un autre تسجيل صوتي بعنوان يا قومنا أجيبوا داعي الله. قال فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر من حيث تدري أو لا تدري. Et هنا il a clairement dit أن celui qui combat leur état, soi-disant islamique, annahu, ça devient un mécréant. Hada, ça montre quoi? Anna, si tu es d'accord avec eux, tu es un croyant. Si tu es contre eux, tu es forcément un mécréant. Pour eux, c'est eux les musulmans. C'est eux les croyants. L'État islamique, c'est le leur. Tout ce qui contredit Hada, pour eux, c'est forcément de la mécréance. Faman lam yuhajir ilayhim fahuwa kafir. Celui qui ne fait pas la hijra auprès d'eux, c'est un kafir. لماذا لأنه يغزن ان اتا دو ميكريون الى اكسبت لا ميكريونس اوتوماتيكمون سا دوفيان ميكريون ومن لم يعتنق معتقدهم فهو كافر سولي كي اكسبت با لوغ كرويونس سي كافر ومن خالفهم سي كافر كوم اون فيان دو سيتي سي تخوا باغول دو هذا الخارجي العدناني اما لو دوزيام فوندمون سي الخروج على ولاة الامور اي لا روبيليون كونتر لي غوفرنور قال العدناني dans une kalima bi'unwan hadha wa'dullah qala qarrarat ad-dawlah al-islamiyyah ay l'état islamique de Daesh i'lan qiyam al-khilafa al-islamiyyah wa tansib khalifatin lil muslimin wa mubay'at ibrahim ibn awwad ay abu bakr al-baghdadi wa qabila al-bay'a wa qabila bil bay'a ay l'accepté qu'on lui prête allégeance ay leur soi-disant chef abu bakr al-baghdadi donc C'est une obligation que tous les musulmans lui prêtent allégeance et lui-même il a accepté qu'on lui prête allégeance. Et il est de devenir le chef des croyants. قال ليصير بذلك إماما وخليفة للمسلمين في كل مكان. هذا ماذا فيه؟ Si tu réfléchis bien, un nain, pour eux, c'est une obligation de lui prêter allégeance. Et avec cette allégeance, ça va devenir le chef de tous les croyants. تستفيد ماذا من هذه الكلمة؟ أن أولا, pour eux, tous les gouverneurs, ce n'est pas des croyants, ils ne méritent pas qu'on leur prête allégeance. Et ثانيا, أن ces gouvernements et ces gouverneurs, ils n'ont plus aucune légitimité. إسقاط جميع الحكام et جميع الدول. ثم, هذا, ça va avoir une conséquence très très grave. Vu que c'est des mécréants, donc c'est permis de se rebeller. Et le fait de les combattre, ça fait partie du djihad. Ils font croire aux jeunes pour les pousser à faire du mal au nom de l'islam et au nom de cet état et de ce groupe. On vient de citer il y a quelques instants la parole de Al-Adnani وَإِنَّ الْقَوْلَ الْيَوْمْ بِكُفْرَ هَذِهِ الْجُيُوشْ وَرِدَّتِهَا وَخُرُوجِهَا مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ بَلْ بِوُجُوبْ قِتَالِهَا. Donc, Huna, il a été clair, Anna, ces gouverneurs et ces armées et ceux qui les soutiennent, c'est plus des croyants, c'est des infidèles, c'est des mécréants. Donc, c'est une obligation de se rebeller et de les combattre. Donc, هذا, ça nous montre, Anna, ils ont mis en pratique هذا الأصل, ce fondement qui fait partie du fondement des Khawarij, le fait de se rebeller contre le gouverneur musulman. Wa qala Abu Umar al-Baghdadi fi tajjil sawti, on répète Abu Bakr al-Baghdadi, Abu Umar huna. Abu Umar al-Baghdadi, c'était le chef avant Abu Bakr. Qala nara wujub at-tahakum ila shar'illah. Ila an qala wa at-tahakum ila at-taghut min al-qawanin al-wad'iyya min nawaqid al-islam. Fa huna ila il a dit que le fait de juger par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une obligation. Le fait de ne pas juger avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et de juger avec al-qawanin al-wad'iyya et avec les lois que les êtres humains ont inventées, ça fait partie des annulatifs de l'islam. Thumma il a pris comme preuve qawluhu ta'ala wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Qala al-imam as-sam'ani rahimahullah. Donc le verset, il est connu 'inda al-jami'. أن celui qui ne juge pas par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, فأولئك فسلا sont les mécréants. الإمام السمعاني رحمه الله dans son tafsir قال قال ابن عباس رضي الله عنهما الآية في المسلمين وأراد به كفر دون كفر. ابن عباس رضي الله عنه il a démontré dans ce verset ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, il a été révélé sur il concerne les musulmans, أي c'est du كفر دون كفر. Ne pas comprendre هنا la mécréance, Humul Kaviroun, Anahum, ils sont sortis de l'islam. Là, les ulama, ils ont bien expliqué en se basant sur la parole d'Ibn Abbas, c'est du kufr duna kufr. Et c'est de la mécréance mineure, comme certains y traduisent. Et ça ne fait pas partie, ça ne fait pas sortir de l'islam. Et on a déjà expliqué هذا كثيراً. Il l'a dans un cas, bien sûr, Anna, celui qui juge par autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a la conviction que c'est permis. Ou que c'est comme les lois d'Allah. Ou que c'est meilleur que les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est un mustahil. Il rend légiférer une chose d'interdite. Et ça fait sortir de l'islam. Et là, il contredit ce texte et d'autres textes. Mais celui qui juge par autre que les lois d'Allah, bien sûr que c'est très très grave. Là, on a l'explication de ce compagnon et d'autres, parmi les grands imams de la sunna, ils ont expliqué que ça ne faisait pas sortir de l'islam. Amma indal khawarij, هذه الآية, et l'utilise comme argument pour renforcer leur position que les gouverneurs c'est des mécréants. فلهذا قال السمعاني رحمه الله واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم ما أنزل الله فهو كافر وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم. نعم لا يكفر بترك الحكم. Donc الخوارج, ils ont cité cet argument pour montrer que les gouverneurs, c'est des mécréants qui ne jugent pas par les lois d'Allah. Amma ahl sunnah qalu la yakfur. Il ne sort pas de l'islam simplement parce qu'il n'a pas jugé par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. La. Là, on a des autres preuves. Des autres preuves, et en les rassemblant, tu te rends compte que celui qui sort de l'islam, c'est celui qui délaisse le jugement par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est mieux de juger par autre, ou que c'est permis, ou que c'est équivalent aux lois humaines. Et هذا, même s'il juge par les lois d'Allah, il a cette conviction, là, je sais que cette conviction, elle contredit notre religion. Enfin, revenir à la croyance, C'est très très important. Et on répète ce sujet, on l'a déjà détaillé dans nos cours sur At-Tawhid et nos cours de Aqidah. Wallahi, les savants l'ont détaillé. Le troisième fondement, Al-Qatl ou At-Tafjir. Les assassinats, les tueries, les attentats, etc. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ضئض هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفرمينا أن جروب Il allait apparaître. Ils liront le Coran. Lakin, ce Coran, cette lecture, elle ne leur sera d'aucune utilité. Mujarrad, une lecture. Ils font certains efforts en apparence. Lakin, ils ont un problème dans le cœur. Ils ont un problème de croyance. La preuve, c'est que Ha'oula, ils ont même combattu les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, radiyallahu anhum, ils les ont combattus. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il leur a donné la victoire. Lakin, pour vous montrer, ce groupe, c'est un groupe qui est basé sur les passions, sur l'orgueil. Falihada, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'ad. Et si je les rencontre, je les combattrai. C'est pour ça que chaque musulman, il doit faire des efforts pour combattre les idéologies de ce groupe. Avec des réfutations, avec un bayan, laquelle on répète avec vérité, avec objectivité, et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hadith, il est fi al-Bukhari wa Muslim. Et al-Shahid min, pourquoi on a cité le Hadith huna, qawluhu alayhi sallallahu alayhi wa sallam, yaqtuloun ahli l'islam wa yada'oun ahli l'awthan. Ça, c'est une de leurs caractéristiques. Annahum, ils combattent, ils tuent les croyants, ibadullah subhanahu wa ta'ala, et ils délaissent ubad al-awthan. C'est pour ça que si tu regardes la plupart de leurs tueries, de leurs attentats, c'est dans les pays musulmans. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit au Maghreb, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Asie, la plupart de leurs attaques, c'est fi bilad al-muslimin. Et on a déjà cité certaines de leurs paroles, comme on avait Adhan, si je me rappelle bien, dans le cours sur Al-Qaïda, certains de leurs chefs, ils ont clairement dit pour eux, les hypocrites parmi les gouverneurs et ceux qui les soutiennent, et les croyants, le fait de les combattre, ça passe avant les mécréants. Les malades, c'est un ennemi proche qu'il faut combattre en priorité. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qali yaqtuloun ahli l'islam. Ils tueront les croyants. Wa yada'oun ahli l'awthan. Ceux qui adorent les idoles, ils les délaisseront. Ayyadam billah. Qali shir Abdel Muhsin al-Abbad, hafidahullahu ta'ala, كما في مقال فتنة الخلافة الداعشية العراقية المزعومة وبعد مضي مدة على الحرب التي وقعت في سوريا بين النظام والمقاتلين له دخل أعداد من هذه الفرقة غير مقاتلين للنظام لكنهم يقاتلون أهل السنة المناوئين للنظام ويفتكون بهم وقد اشتهر أن قتلهم لمن يريدون قتله يكون بالسكاكين الذي هو من أبشع وأنكى ما يكون في قتل الآدميين كما قال الشيخ هنا حفظه الله أنهم leur façon d'assassiner leurs opposants c'est avec السكاكين avec des couteaux أي ils égorgent et كما قال الشيخ هذا c'est من أبشع وأنكى ما يكون في قتل الآدميين c'est pour ça que les ennemis de l'islam ils se sont servis des actes de هؤلاء de leurs agissements pour salir la religion de l'islam. Annahum, c'est des barbares. Annahum, ils n'ont pas de miséricorde. Annahum, annahum. Wa qala hafidhahullahu ta'ala, ay Cheikh Abdel Mohsin, wa fil ayyam al-qalila al-madhiya qama shabban saghiran bi khidmati hadhihi al-firqa al-da'ishiyya wa tanfidh mukhattatatihim al-ijramiyya bi tafjir أنفسهما بأحزمة ناسفة في مسجدين في المنطقة الشرقية في وقت صلاة الجمعة. نعم. الشيخ عبد المحسن il a rapporté l'attentat qu'ils avaient fait en Arabie Saoudite dans une région. أنهم deux jeunes avec des ceintures explosives ils sont rentrés dans un masjid et ils se sont fait exploser. Et ils ont tué injustement ceux qui étaient dans ce masjid et ils se sont suicidés. Il y en a, c'est un suicide. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum, ils ont agi à Hakada? Ils ont tué des personnes qui étaient dans un masjid injustement à Hakada. Fana'oudou billah min al-dhalal. قال أهلك بذلك أنفسهما وعددا من المصلين وهذا عمل قبيح ليس إجراما فقط بل نعم منتهى في الإجرام نعم متناه في الإجرام قال بل متناه في الإجرام نعم c'est pour ça que ces actes ça repousse les gens et on vit à une époque أن المسلم il doit faire attention. Il doit faire attention à comment il se comporte. Il fait ses gestes. Qu'est-ce que ces deux jeunes, Mathalan, qui se sont fait exploser dans cette mosquée, qu'est-ce qu'ils ont apporté à la Oumma? Est-ce qu'ils ont repoussé un ennemi quelconque? Ils n'ont rien repoussé. Belle, ces choses, ça fait que empirer la situation de la communauté. Et les ennemis, ils en profitent. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont fait du tort à eux-mêmes. Ils ont fait du tort à leurs parents. Ils ont fait du tort à ces personnes qui ont été tuées injustement. C'est pas ça, le jihad. C'est pour ça que notre dîn, dans notre religion, le jihad, c'est légiféré avec des règles. Et parmi les règles principales, c'est que ce jihad, ça soit sous l'ordre d'un gouverneur musulman et des savants de la Umma. Mais, des cas isolés, des jeunes qui ne connaissent pas leur dîn et qui se sont fait embrigader et qui prennent ces décisions, ça fait que du mal. Est-ce que la situation de la communauté, elle s'est améliorée après tous ces attentats? Elle ne s'est pas améliorée. Ce qui s'est passé en France, ce jeune qui a assassiné cet instituteur, est-ce que la Oumma en a profité? Est-ce que c'est une façon de faire? C'est pour ça que un musulman et encore plus un sunni, un salaf, il rejette cet acte. Et on rejette cet acte pas par peur de un tel, ou pour satisfaire un tel, ou pour que les ennemis de l'islam on rentre dans leur modèle, ils nous acceptent. Abadan. On est contre et on rejette cet acte et on le condamne. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'yanna, ça ne fait pas partie de notre dîn. Ce n'est pas une méthodologie, ce n'est pas une façon de faire. Tu n'es pas d'accord, tu ne veux pas rester dans un pays qui insulte ton prophète et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est tout à fait d'accord. Un musulman, il ne peut pas accepter ça. Abadan. Lakin, est-ce que ça veut dire qu'on va se venger de cette situation-là? Tu ne veux pas rester dans ce pays? Personne t'oblige à rester. Personne t'oblige. Belle, dans ce cas, déplace-toi dans un pays musulman. Walillahi alhamd. Tu verras que dans un pays musulman, tout le monde respecte le prophète. Tout le monde. Belle, c'est interdit de se moquer. Celui qui se moque du prophète avec une caricature ou autre dans un pays musulman, il se fait condamner directement. Par les autorités et par le peuple. Tout le monde est d'accord. Lakin, haoula. Non, ils n'ont pas compris leur dîn, ils se sont fait embrigader, c'est des faibles d'esprit. Et à cause de leur faiblesse, ils pensent, ils n'arrivent pas à patienter, ils pensent que la solution c'est elle. Et Kadalik, c'est des égoïstes. Le musulman, il ne pense pas qu'à lui. On dit ce jeune qui s'est fait tuer, ses parents, ils sont en garde à vue et tous ces problèmes. Il a pensé qu'à lui. On peut citer كذلك parmi leurs crimes de ce groupe داعش ما حصل منهم من حرق الطيار الأردني حيا والتمثيل به. Et là, ça s'était beaucoup propagé dans les médias il y a quelques années quand ce groupe il est apparu et ils ont attrapé un pilote jordanien, ils l'ont attrapé et ils l'ont brûlé vif dans une cage معروف هذا. Ils l'ont propagé. هذا لا يجوز. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de châtier avec le feu. La yu'adhib bin nar illa rabbun nar. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui châtie par le feu. Amma ha'oula az-za'irun, ils ont pris quelques paroles de quelques imams, Cheikhul Islam ibn Taymiyyah ou autres, et annahu s'est permis. Et ça montre qu'ils suivent leur passion. Cheikhul Islam ibn Taymiyyah, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, tous ces imams, ils ont combattu al-khawarij et al-takfiriyoun. Lakin, vu qu'ils suivent leur passion, ils essayent de légitimer ce qu'ils font avec les paroles d'un tel et un tel. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de châtier par le feu. Et kadalik, ce pilote jordanien, c'était un musulman. Enfin, cet assassinat, c'est l'assassinat d'un musulman. Et de cette façon, na'oudou billah. Wa qad sha'a kadalik anhum anna ba'dahum qatala umma وابن عمه أو أخيه et autres, Allah musta'an. Certains d'entre eux, أنهم ils ont tué leur propre mère. لماذا؟ لأن pour eux c'était une murtad, une kafira, une infidèle, donc elle devait subir cette peine, la peine de l'apostat, se faire tuer. D'autres leurs frères, d'autres leurs cousins, il a. Et on pourrait citer encore beaucoup de leurs crimes, lakin ça c'est tellement répandu que la plupart des gens ils connaissent tout ce qu'il s'est passé. فلهذا العلماء علماء الإسلام les savants de la communauté ils ont mis en garde contre ce groupe depuis l'apparition. On parle même pas des origines, le groupe des frères musulmans, le groupe de Al-Qaïda, etc. Même ce groupe, quand il est apparu, il a été connu mondialement en 2014, les ulama, ils ont directement mis en garde. Minhum, al-'allama al-Sheikh Salih al-Luhaydan, hafidhahu Allah ta'ala, ils lui ont posé la question, al-mawqif al-sahih, mimman yursil al-awlad ila al-Iraq ou Souria lil-qital ma'a al-jama'at ka-da'ish, ils lui ont demandé ceux qui envoient leurs enfants pour combattre aux côtés de Daesh. فَقَالَ وِلَا شَكَنَّ هَذَا مِنَ الْعَمَلَ السَّيِّ. Ah là, c'est très très grave. Envoyer son propre enfant combattre avec ses égarés, c'est très très grave. C'est pour ça que les parents, ils ont un rôle essentiel. Ils ont un rôle essentiel. Même ce parent qui aime Dine, qui déteste les ennemis de l'islam, qui veut secourir Dine Allah, il ne doit pas agir seul et envoyer son propre enfant à sa perte. Abadan, tu veux que ton enfant il soit utile pour la communauté, aide-le à apprendre son dîn. Ça devient un mujahid bilisanihi wa qalamih. À notre époque, c'est min anfa' al-jihad. De secourir, de propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec science. Aide-le à apprendre le Coran. Aide-le à apprendre la croyance des salafs. Aide-le financièrement pour se déplacer auprès d'enseignants de la sunnah et apprendre. Il sera utile pour lui, pour ses parents et pour la communauté. Inch'Allah ta'ala. قال ينبغي أن يحضر وأن لا يرسل أن لا يرسل أولاده إلى هؤلاء ثم داعش هذه من أين ومتى صارت دولة إسلامية. ثم الشيخ il a posé cette question. Et ce groupe Daesh, il vient d'où? Et depuis quand c'est un état islamique? Qui c'est qui a autorisé ou qui a montré que c'est un état légitime, un état islamique? Man, ça vient d'où, هذا? قال من أين نشأت هذه الدولة. Cette question qui est très très importante. Et c'est le but de ce cours. Et savoir d'où les origines de ce groupe. Attends, on pourra juger. Est-ce que c'est un groupe qui est fondé sur la vérité? Amla. Qui appelle à la vérité? Amla. Qala. Et voilà, donc, cette question, on doit toujours se la poser. Par rapport aux groupes qui apparaissent. C'est pas le premier qui vient. Même avec des belles paroles. Même avec des bonnes intentions, on le suit comme si la vérité absolue elle sortait de sa bouche. Là, on vit à une époque de fitna. On doit faire attention, on doit se poser ce genre de questions. Que ça soit un prêcheur ou un groupe, d'où tu viens? C'est quoi tes sources? C'est quoi tes fondements? Tu appelles à quoi? Tu as qui comme référence? Sans se précipiter. Sans s'il suit la vérité, alhamdoulilah, la vérité elle est claire. Les savants ils sont connus عند الجميع. قال ثم هذه الدولة هل هي تحقق التوحيد؟ Ça c'est une question importante كذلك. Vous avez remarqué que هؤلاء القاعدة ou داعش ou tous les autres groupes parmi les groupes de الخوارج ils donnent pas d'importance à ce توحيد. Belle pour eux, le توحيد tu l'apprends 5-10 minutes. Pour eux, le توحيد c'est توحيد الحاكمية, c'est combattre le shirk des gouverneurs. أما توحيد العبادة, توحيد الألوهية, combattre shirk et l'adoration des tombes, l'adoration des idoles, ils font pas beaucoup d'efforts. S'ils en font, fi had al bab, amma niveau ilm, ils sont très très loin. Qala wa tamna an-nas min du'a al-qubur, hadhihi fitna dhaharat 'ala an-nas fi hadhihi as-sanawat al-akhirah allati yastafid min hadhihi at-tadhahurat ma yusamma bid-dawlah al-islamiyya al-gharb. Al-Sheikh hafidhahu Allah ta'ala, il a tout résumé. Ce qui profite de l'apparition de ce genre de groupe et de l'instauration de ce soi-disant État islamique, qui c'est qui en profite? C'est l'Occident, c'est les ennemis de l'islam. Il les laisse, il les finance au départ, il les aide pour qu'ils se propagent. quand ils font des choses qui nuisent, qui salissent l'image de l'islam, ils les éliminent très très rapidement. Naam, fa ta'ammalu, c'est eux qui sont à l'origine, qui les financent. Thumma, c'est eux, quand ils veulent les arrêter, ils font tout pour les arrêter. Thumma, ils se servent de ce qu'ils ont fait pour salir l'islam. Et ils accusent des innocents de faire partie de ce groupe, que eux-mêmes ils aidaient. C'est pour ça qu'un musulman, il ne doit pas être insouciant à ce niveau. Et être une arme au service des ennemis de l'islam. قال الذي يستفيد من هذه التظاهرات ما يسمى بالدولة الإسلامية الغرب. أتأملوا الآن ce qui se passe en France. Est-ce que c'est les croyants, la communauté des musulmans en France qui profitent de ce qui s'est passé? Et cet instituteur qui a été tué, Abedan. Alain, ils font tout pour serrer les taux autour de la communauté, des nouvelles lois, des perquisitions, des arrestations. Qui souffre de tout cela? C'est nos frères. C'est pour ça que, en tant que croyant, tu fais partie d'une communauté, tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir à prendre des décisions seules. Surtout les jeunes, en général, c'est des mauvaises décisions. Encore plus quand c'est pour tuer, c'est très très grave. قال أراد أن يشين الإسلام بهذه التسميات ما يسمى بالدولة الإسلامية. قال المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. On peut citer une deuxième parole du مفتي actuel d'Arabie Saoudite. قال الذي يظهر والله أعلم أنها فئة ظالمة باغية معتدية سفاكة للدماء. نعم. C'est un groupe injuste qui commet beaucoup d'injustices, qui fait couler le sang injustement. قال هتاك للأعراض نهاب للأموال هؤلاء فئة طاغية مؤذية في البلاد التي وقعت في أيديهم. نعم. Chaque bilad dans lequel ils rentrent, ils font beaucoup de mal, des injustices, ils prennent les biens des autres injustement, ils volent, ils accusent, ils torturent tous les pays qu'ils sont rentrés, en Irak, en Syrie, etc. قال وقال حتى في بعض الصحف نشرت أن هناك والعياذ بالله انتهاك للأعراض والسبي للنساء. نعم حتى بعضهم ils ont violé femmes et d'autres exemples. قال ومعاملة المسلمين كلهم كأنهم كفار. نعم ils agissent avec les croyants comme si c'était des infidèles, des kuffars, des mécréants. فإنهم نسأل الله العافية شر وبلاء لا خير فيهم. اي نعم شر وبلاء. هؤلاء ils font du mal, c'est une épreuve pour cette communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. قال منذ خرجوا وهم في قتل فيه تمثيل وبشاعة وتمثيل وتشويه لأعضائه وصورة بشعة تشمئزه منها النفوس. نعم comme on a cité précédemment انهم ils tuent avec des couteaux, avec des lames, et ils ont brûlé des gens vifs, comme on a cité l'exemple avec le pilote jordanien, etc. وشيخ الفوزان حفظه الله تعالى سئل عن تنظيم داعش. Est-ce que داعش, ils font partie de السلفيه? Ils ont posé cette question à شيخ الفوزان. قال هذا تضليل. هذا هو الإرهاب. هذا c'est من الإرهاب. هذا c'est du terrorisme. C'est pour terroriser les autres, pour écarter les autres de la vérité, faire croire que ce groupe, ce soi-disant État islamique Daesh, anahum c'est des salafis. Anahum ils suivent la sunna, anahum ils suivent le Coran. Hada c'est min at-tadlil, c'est pour égarer les gens. C'est pour écarter les gens de la vérité. Ma'lou maintenant, les kuffars, ils ont une façon de faire, une méthodologie, pour écarter les gens de la vérité, ils leur font peur de cette vérité. Tout ce qui se passe, tu trouves des croyants, sincères, peut-être qu'ils veulent faire des efforts dans leur dîn. Lakin, ils ont peur. Ils ont peur d'être accusés. Pourquoi? لأن هذا c'est من الإرهاب. C'est du terrorisme. قال الذي يخوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد ودعوة السنة. C'est pour ça qu'on conseille à tous nos frères, في كل مكان, de patienter. De patienter. Si tu es accusé à tort, tu ne seras pas perdant. Mais faire des concessions sur notre dîn, c'est pas la solution. Bien sûr, tant qu'on peut, on s'accroche chacun à son niveau et on s'entraide. Et on s'entraide et, walillahi alhamd, loin des idées de ces groupes égarés, Daesh et autres. وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى: هذه الدولة الداعشية ما يقال الإسلامية، يقال الداعشية، هذا هو الاسم المناسب لها. Et ça, c'est une précision importante. Vous avez remarqué que ce groupe الآن, il est connu sous, si on prend en langue française, il est connu sous l'appellation État islamique. En arabe, il est connu par الدولة الإسلامية, داعش. هذا, c'est pas au hasard que les médias, ils ont propagé les égarements et le crime ou les crimes de ce groupe sous cette appellation. C'est pas par hasard. On ne croit pas au hasard. Et ثانياً, الكفار, les ennemis de l'islam, ils ont un but. C'est de salir l'islam. Il y en a quand tu entends état islamique, donc c'est un état qui est fondé sur l'islam, qui veut propager l'islam, donc c'est lié à l'islam. Quand tu apprends tous ces crimes, cette dureté, ce manque de miséricorde, cette précipitation, ces attentats, ces tueries, voilà, celui qui ne connaît pas l'islam, ça va l'écarter. C'est pour ça que shirqa la yuqal, on ne doit pas dire état islamique. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Là, c'est l'état de Emma, on dit Daesh, ils sont connus par ce nom, ou on dit l'état de Al-Khawarij, ce qu'ils appellent comme état, ou l'état des Takfir, ou Amma, état islamique, voilà. Voilà, les États islamiques, les pays musulmans, wallah alhamd, il y en a plusieurs, avec leurs faiblesses, avec leurs manquements. Amma haoula, fala shak annahum, c'est des égarés. Qala ad-dawla al-islamiyya tadbah an-nas bis-sakakin. Cheikh Al-Habbad, il a posé cette question. Est-ce que l'État islamique, il va tuer les gens avec, il va assassiner les gens, égorger des gens au couteau, il va brûler des gens vifs. Est-ce que hada, c'est un État islamique? قال يعني تفسد وتقتل هذا ليس من الإسلام في شيء. هذا ça fait pas partie de l'islam. Leurs crimes ne font pas partie de l'islam. On conclut cette kalima avec certains conseils qu'on a déjà cités auparavant. Le premier conseil, النصيحة العناية بالعلم الشرعي. Faire des efforts في العلم. Apprendre son din. فالعلم والرجوع إلى العلماء من أنفع الأسباب. Pour repousser شبهات الخوارج والتكفيريين وشبهات جميع الطلاب. La meilleure solution, la solution la plus efficace pour repousser le terrorisme, l'extrémisme, c'est la science. C'est pas la solution, c'est pas l'islam de France. La solution, c'est pas d'accepter qu'on se moque de notre prophète Mohammed. Ça fait pas partie de notre din. Et kadalik, c'est de l'égarement et c'est un autre extrême. Enfin, on fait attention de ne pas vouloir combattre un extrême par un autre extrême. Vouloir combattre Daesh par l'hypocrisie, par l'islam de France, par l'égarement. Abadan, on combat Daesh avec la sunna, avec le Coran ou la sunna. C'est le seul moyen, c'est le moyen le plus efficace, c'est le moyen que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont utilisé, ils ont éradiqué ce groupe à leur époque. Amma, ce soi-disant islam de France et toutes ces moqueries, ça fait, et c'est voulu, ça fait que pousser certains faibles d'esprit, certains jeunes qui ne patientent pas, à vouloir se venger eux-mêmes et à basculer dans les rangs de Daesh. Enfin, c'est pas la solution. C'est pour ça que la solution pour toi et pour tes enfants, Akhil Muslim, enseigne-leur. Et apprends toi-même avant de leur enseigner. Tu ne peux pas enseigner une chose que tu ignores. La croyance des salafs. Tu verras que la croyance des salafs qui est fondée sur le Coran et sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est fondée sur la miséricorde, sur la vérité, sur la justice. On n'a pas besoin de multiplier qu'on est contre tout ce qu'il se passe pour satisfaire un tel. On n'a pas besoin de hada. L'imam d'Aliyana, on est contre ces choses-là avant eux. Ben, on le répète, certains d'entre eux, ils ont utilisé ces groupes égarés. Pardon, ils les ont armés, etc. Enfin, on n'a pas besoin de se justifier tout le temps, et encore pire, d'essayer de le ressembler pour condamner. Et on va condamner ces choses sous l'étendard de la République, de la laïcité. On n'a pas le droit à hada. Là, on combat ces choses au nom de l'islam, au nom du Coran et de la sunna. Et walillah alhamd, on est fiers de notre din. Lakin, fi bilad al-kufr, al-muslim, il peut être en danger. Il peut être en danger. L'imam al-Aliyana, il peut se faire accuser, même s'il est innocent. Khassatan, s'il applique et il s'accroche aux principes de son dîn. Enfin, la solution, c'est pas. La solution, c'est d'appliquer son dîn. Et si on applique notre dîn, on se rendra très vite compte qu'on ne peut pas vivre avec Haoula. On ne peut pas vivre au sein d'une communauté qui ne respecte pas nos prophètes, qui ne respecte pas nous-mêmes, qui ne veulent pas notre bien. Ils n'ont aucune objectivité. Ils savent très bien qu'on est contre, mais ils disent t'es avec eux. Comment tu veux fonctionner avec Haoula? Ils savent très bien, madalan, nous, dans ce cours, c'est clair. On est contre Daesh, ils le savent, walillahilhamd, on est contre Daesh, on est contre le terrorisme. Mais pour eux, on reste des islamistes, on reste des radicaux. Pourquoi les Anna, on n'accepte pas leurs valeurs? Et bien sûr qu'on les accepte pas. Les Anna, on est des croyants, on ne peut pas se contredire. On ne peut pas dire on est croyant, et après on dit on accepte la mécréance, là. Notre croyance, c'est croire en Allah, croire au jour dernier, croire au prophète, le respecter, l'aimer plus que nous-mêmes. La laïcité, c'est tu as le droit d'insulter tout cela. Tu as le droit de ne pas croire à tout cela. Enfin, est-ce que quelqu'un qui a la raison, il peut accepter? Ah, ben, là, on n'a pas le droit de se contredire. Enfin, nous, on est contre Daesh, on est contre la laïcité, on le dit ouvertement. Et on n'est pas d'accord avec eux, on vit pas avec eux, on vit dans un pays musulman. Et dans un pays musulman, personne ne te dira d'accepter la laïcité. Personne ne te forcera, personne ne te dira d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne parlera du droit de blasphème, il n'y a pas tout cela. Il n'y a pas. Bien sûr qu'il y a des manquements, bien sûr qu'il y a des choses. Il y a des choses à revoir, il y a des faiblesses, bien sûr. Alhamdulillah, tu pourras appliquer ton dîn. Mal Hounak, c'est compliqué. Tout ça au nom du soi-disant combat contre le terrorisme. On combat le terrorisme avec la science, avec une croyance, pas avec de la mécréance. Non, nous on a la croyance que Daesh ils font beaucoup de mal et c'est des égarés. On a la croyance que les ennemis de l'islam c'est des égarés, ils font beaucoup de mal. Kadhalik, ils ont appliqué ce terrorisme en Afrique, au Moyen-Orient, avec le printemps arabe, avec les révolutions, avec les coups d'État, avec la colonisation. On peut citer des exemples. Bel-un avec des arrestations injustement, avec des accusations, tout ça c'est du terrorisme qu'on n'accepte pas aussi. Kadhalik, minan nasa'ih. Al-inaya bil awlad. Faire attention à nos enfants. Enfin, ces jeunes qui passent à l'action et qui se font du mal et qui font du mal aux autres, la plupart, ils n'ont pas été ni en Syrie, ni en Irak, ni nulle part. Bel Bardoum, ils étaient dans l'école de la République, comme ils disent. Là, qu'il y a les réseaux sociaux. Ces idées qui sont propagées, c'est pas dans des camps d'entraînement, c'est pas dans des montagnes, là, c'est dans les réseaux sociaux. On doit faire attention à nos enfants. Et on répète, le seul moyen pour combattre cela, c'est d'éduquer, d'enseigner à cet enfant très jeune le vrai islam. Et alors, on a un autre problème, c'est quoi? C'est que certains jeunes, ils s'aperçoivent très vite que cet islam de France, il a arrêté, c'est complètement faux. Donc, il sait que c'est pas l'islam. Il essaie de chercher un autre islam, il essaie de chercher la vérité, il tombe sur ses égarés. Et il pense que Daesh, Al-Qaïda, Ben Laden, etc., c'est la vérité. Il s'accroche, il passe à l'action. Ah, mais ce jeune, si on lui apprend le véritable islam, l'islam, c'est pas la laïcité, c'est pas la démocratie, c'est pas l'islam de France. L'islam, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le Coran, la sunna du prophète, sallam, la compréhension des compagnons. C'est ça l'islam, radiyallahu anhu. Vous verrez que s'il est confronté à l'idéologie de Daesh, il pourra la rejeter avec science. Il pourra montrer que c'est des khawarij, c'est des égarés avec la parole des savants. Ah, là, c'est ça qui est important. كذلك العناية ببيان شبهات داعش وغيرهم من أهل الضلال. كذلك, on continue à faire des efforts pour montrer, on le répète, pour Allah. Pas pour satisfaire un tel ou pour que les ennemis de l'islam ils nous considèrent comme modérés. Là, le musulman, il a peur que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les ennemis de l'islam, كما قال الله عز وجل, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. Ils ne seront jamais satisfaits de toi. Tu peux te désavouer de Daesh, tu peux montrer que tu es contre les attentats. Tant qu'ils sentiront une odeur de croyance, d'islam qui émane de toi, ils ne seront pas d'accord. Donc on n'est pas là pour les satisfaire. Satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guide les cœurs. Ces ennemis de l'islam, c'est des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est simplement éprouvés à cause de nos faiblesses. Wa illa, ils ne peuvent rien faire, que si Allah y veut. Et si on s'accroche à notre dîn, Allah il nous secourra. Wa in tansurullah, wa in tansurullah yansurkum, wa yuthabbit aqdamakum. Si on secourt la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il nous donnera la victoire. Wallah musta'an. Enfin, on le répète, min al-dhulm. C'est de l'injustice d'accuser Ahl Sunna al Salafiyin de fikr al Qaïda ou Daesh. Et Ahl Sunna ou Salafiyin, à chaque attentat, à chaque tuerie, ils montrent qu'ils sont contre. Malgré cela, tu trouves toujours des gens qui ne veulent pas la vérité, qui sont injustes et qui veulent leur coller cette étiquette. Et nahnu wallahi alhamd, on n'a pas besoin de qu'ils soient satisfaits pour ou contre. Nous, wallahi alhamd, on essaye d'agir pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, on le répète, on est contre en se basant sur leurs fondements égarés qu'on a essayé de résumer ici. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana ala al-haq wa an yujannibana al-fitan ma zahara minha wa ma batan wa nas'aluhu azza wa jalla an yahfaz ikhwanana fi kulli makan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver nos frères où qu'ils soient. Et le prochain cours dans cette série, on essaiera d'étudier une autre secte, et ça sera la secte des Houthi, al-Rawafid al-Ashrar. وبالله التوفيق نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.